Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la deuxième émission d'une série de trois nuits magnétiques consacrées à quelques grandes révolutions créatrices. Après les surréalistes, place au punk de la fin des années 70. Un mouvement musical et sociétal dont on situe généralement les origines à Londres en 1977 avec la sortie de l'album des Sex Pistols. Les choses sont en réalité plus complexes car il y eut bien un mouvement punk aux États-Unis avec notamment les Ramones ou Patti Smith. Ainsi qu'en France. On l'oublie trop souvent, l'Hexagone a fourni lui aussi son contingent de groupes, au premier rang desquels Métal Urbain. Mais parle-t-on simplement de musique quand on évoque le mouvement punk ? Évidemment non. Le slogan No Future rappelle qu'il s'agissait surtout, pour une génération, d'affirmer des codes esthétiques en rupture radicale avec la sophistication, la complexité des modes d'expression pratiqués jusqu'alors. Cette émission a été réalisée en 1979, 2 ans après les débuts du punk. Elle donne encore aujourd'hui un bon aperçu de la déflagration qu'a représenté ce mouvement sur la scène mondiale. Nuit magnétique. Bonsoir. Avec Marcel Jean, hier soir, nous avons évoqué le climat surréaliste de l'entre-deux-guerres. Vous vous souvenez, nous avons vu comment des jeunes gens, héritiers d'une crise, avaient tenté à corps perdu de joindre l'acte à la parole. Sans autre réponse, évidemment, que des œuvres. Ces maudites œuvres, Beaux-Arts, Belles Lettres, qu'il nous est possible, 30 ans après, de commenter, d'archiver, de collectionner, et auxquels nos enfants, parfois, s'initient dans les écoles. Depuis, de crise en crise, on ne compte plus les formes théâtrales que chaque génération a données à sa révolte. Les punks s'inscrivent dans le mouvement. La scène se situe à Londres, à New York et à Paris vers 1977. On les remarque, ces charmants jeunes gens, crâne rasé, la lame de rasoir en sautoir, quand ce n'est pas la croix gammée. Oui, ils ne passent pas inaperçus, car rien ne peut arrêter leur rage de dérision. À la différence de nos surréalistes d'hier, enfin ce n'est que l'une des différences, la musique se prend au piège de leur désir de négation. Donc nous dirons l'anti-musique. Quand ils jouent, c'est toujours contre. Contre le rock, contre le folk, contre la pop. Bref, contre tout ce qui est admis, toléré par leur génération. La ruse de l'histoire, bien sûr, c'est que quand on joue, il sort toujours quelque chose, même quand ce n'est que du bruit, même quand ce ne sont que les chutes sonores d'une violence qui ne se nourrit que d'elle-même. Le bruit, avec les punks, prend donc de la valeur. Surtout, attention au gaspillage. ne perdez rien, et pour ne rien perdre de notre émission de ce soir, il est absolument indispensable que vous écoutiez notre émission à plein volume. Vous verrez, demain, pour une fois, les voisins vous salueront dans l'escalier. Et dans le cas contraire, les responsables se nomment Catherine Lagarde et Mehdi Eladj. Effectivement, il représente peut-être une des parties les plus intéressantes de leur génération, mais sans idée. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas sur des idéaux politiques, esthétiques ou... Théoriques, oui. Plutôt plastiques. C'est comme s'ils avaient rompu avec quelque chose qui serait dans le fond, avec lequel nous n'avions pas rompu, qui serait plus ou moins la culture. C'est assez créateur, je crois. C'est assez créatif, en tout cas. Qu'est-ce que ça a créé ? Ben, je crois que ça, je sais pas. Punk. Inarable. Punk. Energy. Punk? I see an ambitious rock. Punk? Rock de la décadence. Punk? Décadence du rock. Punk? Zone du rock. Punk? Rock de la zone. Monsieur, vous savez ce que c'est que les punks? I don't speak English. You try to speak English with me. What do you think about punk? About bank? Punk. Punk, I don't understand punk. No, punk music. Ah, punk music. Oh. I like very much, you know. But I like classical music, you know. Don't be close, you know. I like classical music, you know. Classical music, you know. Because the classical music is a very, very excellent music, you know. You know the classical music? I know. Yeah. So the classical musical is American music, classical American music, you know. So I hear about French music, you know. I know the French music is good, but if they change the classical music in French language, you know, they very good, I think. Okay? Thank you very much. Je vous en prie. 1976-1977. Recrudescence du chômage. Affrontement sanglant au Sahara occidental. Terrorisme en Italie. Visite de Sadat en Israël. Jubilé de la reine en Angleterre. Explosion du mouvement punk. Électrique. Mort d'Andreas Bader. Plastique. Mort de Prévert. Vinylique. De Chaplin. Métallique. De la Calas. Poétique. D'Elvis Presley. Anarchique. Apocalyptique. Esthétique. Analyse ou parodie ? Oui, oui, enfin, ce qu'on m'a dit, qu'on faisait une émission comme ça sur le punk. La punkitude ? Enfin, moi, je suis là. Attitude ? Je sais pas trop ce que comportement. Je fais, mais enfin, bon, on fait une émission, quoi. Phénomène de culture et de sur civilisation propre à la je fin pas des trop années 70. Punk ou quoi, enfin, le chose, punk quoi. Est dans l'époque. L'époque punk, est dans le peut-être. Punk. People think little girls should be seen and not heard, but I think, oh bondage, up yours! 1, 2, 3, 4! I En Angleterre, je crois que là, on a pu réellement parler de mouvement punk vrai. Pourquoi ? Crise économique, une fonction très particulière de la jeunesse anglaise de... Paul Alessandrini. D'adhérer tout le temps au mouvement, quel qu'il soit, de manière passionnelle. Directeur artistique du Palace. De jouer le jeu aussi, le jeu physique, le jeu presque moral, mental en tout cas. Et puis, aux États-Unis, c'est encore autre chose. Par exemple, New York, si on appelait mouvement punk, il n'y a pas cette espèce de désespoir que l'on connaît dans les sociétés occidentales et spécialement les vieilles sociétés comme la société anglaise. Au départ, bon, c'est ce qui a amené beaucoup de gens au mouvement punk, c'est surtout la musique. Hein. Oui, on a entendu la musique, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est ces horribles qui osent gueuler comme ça, et on s'est renseigné. Puis automatiquement, on va donc au concert de punk rock, on fréquente des lieux, on entend ces musiques-là, puis on finit par... Enfin, c'est un peu le caméléon. En France, alors là, il s'agit encore d'autre chose. Il s'agit, comme toujours, pour ce qui vient des pays anglo-saxons, d'une caricature et d'une caricature mode. Il n'y a pas, au niveau du mouvement punk, l'expression de jeunes gens désespérés, etc. D'ailleurs, moi, une chose qui me frappe, c'est dans le public. Je veux dire, il ne ressemble en rien au public anglais et encore moins au public américain. Il est le public français jouant à être punk. Éditorial du Daily Mirror du 22 juin 1977. Ce n'est pas très amusant d'être jeune aujourd'hui. Si vous pensez le contraire, jetez un coup d'œil sur les chiffres du chômage de la veille. En un seul mois, 400 000 demandeurs d'emploi, venant à peine de quitter les bancs de l'école, ont trouvé dans le chômage une existence oisive et sans but. C'est l'équivalent de la population entière d'une ville de la taille de York. Est-ce étonnant si les jeunes sont pleins de désillusions et se sentent trahis ? Le punk rock est né d'un refus qui s'organise autour de la musique. Il est fait sur mesure pour ces jeunes qui sentent qu'ils ne peuvent compter que sur un futur putréfié à l'avance. Les kids se procurent des guitares d'occasion et répètent dans le garage du coin. Au fond du garage, avec ma saloperie de détecteur, le monoxyde de carbone prouve qu'il marche bien. Il y a des gens qui sonnent en me faisant des propositions d'emploi. Je préfère rester dans le garage toute la nuit. On est un groupe du garage et on vient du pays des garages. À l'origine, le punk veut rapprocher le public des vedettes. Le public peut accéder à la scène s'il le veut et créer son propre groupe. La musique ne s'apprend plus pendant de longues années, elle n'est plus réservée à une élite. En 3 semaines, on peut apprendre à jouer de la guitare. Why do you like to? S'il s'agit de définir ce que fut le mouvement punk en Angleterre, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la définition que l'on pourrait dire idéologique et la définition musicale. Alors, musicale d'abord, il est sûr que le mouvement punk a une importance, dans la mesure où il est subitement la prise de conscience par des jeunes gens, très jeunes en général, qu'on peut devenir musicien soi-même et qu'il y en a un petit peu assez de ces gens qui sont devenus des institutions et qu'on peut, ces institutions, les contrarier. La musique devenait trop élaborée, trop étudiée. Il y avait des solos de guitare de 3 heures, enfin le hard rock, voilà. C'était éblouissant. Les mecs qui se ramenaient, ils avaient 46 tonnes de matos derrière eux, enfin de matériel. Et bon, bah, les jeunes chômeurs qui voulaient faire de la musique n'avaient pas de quoi s'acheter tout ce matériel. Alors, ils ont décidé de faire un rock beaucoup plus simple, qui nécessitait très peu de matériel. Et bon, c'était 3 accords plaqués, ça hurlait. Bon, c'était ça le punk rock. Analyse musicale de God Save the Queen par Renaud Gagné, rocker de notre musique répétitive nationale. Analyse de God Save the Queen et puis de la musique punk en général, on peut dire qu'il s'agit là d'une sorte de rock décadent que je qualifierais de polytétraphonique ringard. Alors je m'explique, qu'est-ce que la tétraphonie? Eh bien, ce qu'on appelle un mode tétraphonique est basé sur 4 sons. Il se trouve que quand vous regardez le clavier d'un piano, on dit toujours qu'il y a 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. En fait, il y en a 12 avec les touches noires, c'est-à-dire les dièses ou les bémols à volonté. Et là, on se trouve en présence, par exemple, de la, sol, dièse, ré et do, dièse. C'est assez curieux parce qu'il manque plusieurs notes. Il manque le mi, il manque le si, et il manque le fa dièse. Très important d'ailleurs, ce fa dièse. Alors, je commence simplement. Au départ, il y a ce qu'on appelle une pédale. Une pédale punk, je dirais. Il s'agit d'un la et d'un sol dièse qui sont répétés donc invariablement. Puis ensuite, tout est basé sur la, ré, do dièse et retour au la. D'autre part, il y a encore autre chose, c'est la voix, l'utilisation de la voix qui est assez proche d'un certain Sprechgesang cher à Schoenberg, juste pour mon mauvais accent allemand. Alors, je ne sais pas si les gens qui font de la musique punk ont entendu parler de Schoenberg. De toute façon, comme ils ont tout copié sur les Rolling Stones avec beaucoup moins de talent que les Rolling Stones, eux, connaissaient Schoenberg. Il y a de grandes chances pour qu'effectivement on puisse faire un lien entre le Sprechgesang, excusez-moi toujours pour l'accent, et le rock décadent que l'on appelle musique punk. On évolue petit à petit vers ce qu'on appelle la pentaphonie plus exactement, c'est-à-dire des modes de 5 notes qui sont chers aux Indonésiens et autres Chinois populaires ou non. Et puis, pour terminer, le fameux fa dièse tant attendu, qui est toujours près du sol, eh bien, le fameux fa dièse arrive enfin, un fa dièse qui vient donc donner une nouvelle coloration, une nouvelle modulation, et un fa dièse qui lui aussi va tendre vers le si, fa dièse, sol, la, si, 1, 2, 3, 4, c'est évidemment la sous-dominante d'un mode de fa dièse majeur. Je crois vous avoir dit à peu près tout sur ce rock décadent qu'est la musique punk, tétraphonique ou pentaphonique, ou plus exactement polytétraphonique ringard. Et il y a aussi un refus, il est évident qu'il n'a pas duré longtemps, un refus du show business traditionnel, c'est-à-dire aussi pouvoir prouver que l'on peut enregistrer, que c'est facile, que c'est pas si compliqué, qu'un disque ça coûte pas cher, qu'on peut le faire dans d'autres conditions, ce que fut d'ailleurs le rock'n'roll à ses débuts. Pour faire un 45 tours, faut pas faire de la bonne musique, faut connaître des gens, simplement. Zip Zinc, ex-synthétiseur de métal urbain. Et il faut que les gens disent, faut qu'il y ait un projet. Faut que la boîte de disques ait l'impression qu'elle peut gagner du fric avec ça. Je veux dire, si la musique est mauvaise, elle en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est l'impact du groupe. Et je trouvais qu'on avait un impact énorme sur scène, du fait qu'on faisait une musique complètement dingue, complètement inhabituelle. Bon, il y a des types de chez qui sont venus, qui nous ont demandé si on voulait faire un single. On a posé les conditions, on voulait une semaine d'enregistrement, on l'a eu. Évidemment, tu fais toujours avoir dans ces trucs-là parce que les mecs, comme tu, c'est votre premier 45 tours, vous comprenez, on vous laisse 5% de royalties pour un groupe de 5, ça fait 1% sur les ventes. C'est pas grand-chose, évidemment, on peut pas vivre de ça. Enfin, au niveau publicitaire, c'est mieux que rien. Mais en fait, c'est pas la peine de faire des démarches et d'aller voir les boîtes de disques, c'est elles qui viennent te voir. Hein. Il suffit de faire assez de bordel derrière toi, qu'on parle un peu de toi dans les journaux. On a essayé de monopoliser, si tu veux, la fabrication de A à Z, mais disons, ça nous a échappé au niveau de la distribution. Jusqu'à la pochette, on l'a imposée nous-mêmes, on l'a faite nous-mêmes, on a pris nos photos nous-mêmes, on a travaillé la pochette, on a fait la maquette nous-mêmes. Ça posait pas de problème, en plus on était avec une boîte qui nous a laissé faire. Et au niveau de la distribution, c'est sûr que tu tombes dans les circuits complètement récupérés. Ils ont écouté le disque, ils ont fait « Ah, c'est dur, c'est comme Sardou, ah ouais, d'accord, c'est dur, c'est provocant, c'est bon, les gens aiment ça. » Tu vois, enfin, les mecs, ils n'ont rien compris, de toute façon. Alors, la distribution, le fait, le premier single, Panique, on a tiré 5 000 exemplaires en France et 20 000 en Angleterre. Au départ, c'était du rock and roll et ça aboutit à quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec ça. C'est pour ça que moi, comme beaucoup, on a, disons, changé d'image, changé d'orientation. Mais ce qui est important, c'est que actuellement à Londres, à Paris ou à New York, il y a énormément de jeunes de 14 ans ou de 15 ans qui se mettent à découvrir aujourd'hui les Pistols, les Clash ou des roues comme ça. Et ce qui compte, c'est leur sincérité et le fait qu'ils soient complètement là-dedans. Patrick Oedlin, ex-leader de Feu Asphalt Jungle. Quand on a 13 ans, les choses qui vous prédestinent à devenir un rocker, enfin entre guillemets, bon, c'est effectivement la mode, c'est l'air ambiant, c'est les disques qui passent dans les jukebox, tout ça. C'est la mode, au sens noble du terme. Et c'est la chose, bon, la chose la plus importante qui puisse arriver à 13 ans, bon, c'est de découvrir le rock'n'roll par le biais d'un disque ou d'une affiche ou d'une photo dans la presse et de changer sa vie à cause de ça, parce que tout vient de là. Réédition du conflit de génération ou nouvelle version 77. Cliché de l'adolescence comme période privilégiée pour l'éruption d'acné. Le jeune punk entre en conflit d'abord avec sa famille. J'essaie d'oublier votre génération de n'importe quelle façon. La fin justifie les moyens. Votre génération ne signifie rien pour moi. Génération X. Body, Ne suis pas les règles, elles ne sont pas pour toi, elles sont pour les imbéciles. Et tu es un imbécile si tu ne sais pas ça. Il faut tricher si tu veux survivre. Shit, clash. Et puis les paroles, bon, bah, c'était les paroles des gens qui étaient à la rue, qui étaient rejetés. Donc c'était destroy, c'était l'anarchie, c'était... Jamais aller aussi loin, on a beau essayer d'aller aussi loin que les Anglais, on n'est pas arrivé à leur cheville. Ce type-là, ils avaient, je pense à Clash, tu vois, Strummer qui disait, en parlant du reggae, des Noirs, il disait ces mecs-là, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de bagnole, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont rien, ils n'ont rien à perdre, alors ils font les choses à fond. En France, c'est pareil, c'est le même problème, tu comprends Les punks se seraient déplacés, au lieu que ce soit des intellectuels ou Hall, ça aurait été des mecs, des prolos à Barbès. Le punk rock aurait peut-être pris des dimensions beaucoup plus importantes qu'il en a pris en France. Et puis il y a peut-être un contact plus important en Angleterre aussi, beaucoup plus facile avec les milieux immigrés qu'en France. Enfin, je vois très mal des groupes punk français et ça s'est pas passé. Marcher avec des Arabes de Barbès, comme les groupes punk anglais ont marché avec les Rastamen, disons les émigrés noirs en Angleterre, qui ont fait du reggae. C'est pour ça que ce qui explique, les déclarations de Rotten, la seule musique qui m'intéresse c'est le reggae, ou Clash, qui disait ce que je disais il y a un instant sur les Noirs. Les Noirs n'ont rien à perdre, pour eux c'est qui tout double. Les jeunes punks font de la musique rock l'expression de leur profond dégoût. Tout est caricaturé, constat cynique et dérisoire. Je suis un cliché, trop souvent utilisé. I am a cliché. Polystyrène, petit bout de femme métisse, bébé potelé. Vous n'avez pas à être noire ou fille pour haïr le fascisme, mais ça aide. Mais les punks, c'est-à-dire le gosse bon, qui est fan des Sex Pistols et qui croit que ça représente quelque chose pour lui, bon, on n'est pas violent. Et les punks avaient une idée de la violence qui, disons, était très esthétique. Et leur violence à eux était très fantasmée, très esthétique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire j'ai assisté plusieurs fois à des descentes de rockers ou de gens comme ça à des concerts punk. Bon, c'était à des bandades. Tout punk cache un mimille, je pense. Enfin, un beauf, si on veut. Voilà, c'est tout. C'est des individus comme les autres. Ça, alors là, vraiment, ceux qui n'ont pas compris, à mon avis, ceux qui n'ont pas compris le rock'n'roll sont ceux qui, justement, n'ont pas compris que c'est, l'image est aussi importante que la musique et que l'attitude scénique est aussi fondamentale que la musique. Il n'y a pas, comme dans le jazz, il n'y a pas, comme dans la musique classique, un rapport aussi étroit entre l'image physique, l'image affirmée, que dans le rock'n'roll. Je veux dire, le rock'n'roll est réellement un parti pris, il y a un parti pris physique au niveau du langage, au niveau de la mise en scène, et ça c'est fondamental. Ceux qui oublient ça n'auront rien compris au rock'n'roll. Ladies and gentlemen, Iggy Pop. Les groupes punk passent le concert à hurler aux gens de danser et à les insulter. Agression verbale, attitude provocante. On se lance des canettes de bière, on crache, on saute, on rebondit comme une balle, épaule contre épaule. C'est à celui qui fera tomber l'autre. Le pogo, oui, ouais. Bah, c'est une façon aussi de, de retrouver son corps, mais lui donner un aspect mécanique et robotisé qui est très, très, très impressionnant. La première fois que j'ai vu danser le pogo avec les types en plus crachant sur le groupe au premier rang, c'était à Londres il y a déjà quelques années maintenant, et j'avoue que j'étais vraiment très impressionné parce que je ne pensais pas que ça prendrait une telle... que le rapport au groupe pouvait être aussi... Parce que dans le fond, quand les gens crachent sur le groupe, c'est parce qu'ils l'aiment. C'est pas parce qu'ils le détestent, ce qui est quand même très extraordinaire. C'est une façon de renverser les valeurs sans arrêt. Alors là aussi, on peut en rigoler, on peut essayer d'avoir des analyses très complexes, psychologiques, sociologiques, etc. En tout cas, on peut le constater et trouver que c'est quand même très bizarre et très particulier. Dans ce grand jeu des apparences, les vêtements ont la première place. C'était les zonards, justement. Ils avaient des espèces de fringues qui tombaient partout en lambeaux. Et enfin, il paraît que c'est Richard L., un Américain, justement, qui a commencé comme ça. Il a commencé à rafistoler sa chemise avec plein d'épagnes d'oris. Puis bon, ça a plu, ça s'est refait, etc. C'est devenu un symbole, bon, en Angleterre surtout, parce que les pistoles sont arrivées aussi avec des t-shirts complètement débraillés, pantalons pareils, retenus par des épagnes d'oris, surtout ça. Puis après, c'est devenu un petit symbole, comme d'autres choses, lame de rasoir, des trucs comme ça. On veut pas être beau, on veut pas être bien habillé avec des beaux plis au pantalon et tout. Alors justement, on va être bien horrible et on va tout déchirer. Et, comme on peut quand même pas se trimballer avec des trucs complètement déchirés, bon, on va les retenir avec des épingles à nœuds. Et c'était ça au départ. Et à partir de là, il s'est créé une esthétique. À partir de cette anti-esthétique, il s'est créé une nouvelle esthétique avec des modistes carrément. Il y en a, faut le dire. Complètement, oui. Complètement synthétique. Complètement synthétique. Justement, à la base, d'ailleurs, le cuir, c'est complètement dépassé. Plus personne porte du cuir, à part, bon, un blouson, mais les pantalons, c'est du vinyle, toujours. Tout est synthétique. Tout est, d'abord, c'est présenté comme ça. C'est l'étiquette, il faut que ce soit synthétique. On est complètement antinaturel, ça. Antinaturel. Et les couleurs dans les cheveux, pourquoi avoir toujours les mêmes couleurs? Pourquoi avoir toujours les cheveux blonds ou roux ou bruns? Il n'y a pas de problème, il faut avoir des couleurs bizarres, il faut porter les cheveux orange, vert, jaune, parce que justement... Il y a une image, et d'ailleurs le public, spécifiquement en France, réagit à cette image physique, puisqu'on dira de tel ou tel type qu'ils sont plutôt hippies parce qu'ils ont les cheveux longs ou qu'ils ont une dégaine, puis alors l'autre, on va leur dire qu'ils font du rock'n'roll dur parce qu'ils seront plutôt habillés en cuir noir. Puis l'autre, ils feront du rock'n'roll nouveau style parce qu'ils seront clean. Et il faut toujours plutôt vendre la caricature d'une chose que vraiment la chose elle-même. Il y a vraiment un rapport au physique, à la mise en scène et à l'image, c'est-à-dire même la façon dont les gens, moi je crois beaucoup à cela, et moi personnellement je fonctionne assez comme ça. Je fonctionne autant au niveau d'un disque par la pochette que par le disque, la musique elle-même. Et je crois d'ailleurs que c'est réellement vrai. Je veux dire, l'ignorer serait stupide. Je veux dire, je pense que l'enveloppement, le conditionnement du produit est aussi fondamental que le produit. En tout cas, il parle autant du produit que la musique elle-même, ça c'est sûr. Je crois d'ailleurs que c'est plutôt comme ça qu'on définit les choses que par la musique elle-même. Tu te crois libéré, change tes phrases. Instant Heart, Instinct Heart. Référence à l'action painting. Les Clash portent des chemises barbouillées, fouettées de peinture, en hommage à Jackson Pollock. Les autres se contentent d'habits tachés, lacérés, baskets maculées. Ils fétichisent des objets, a priori dérisoires, jusqu'à l'absurde. Imagerie sadomasochiste, couple interchangeable, mais indissociable. Chaîne en collier, lame de rasoir, instrument de leur suicide fantasmé. Épingle à nourrice, symbole de l'Angleterre décadente qui retient les morceaux de son drapeau déchiré. Badge, insigne, ambiguïté de la croix gammée. C'est le seul tabou qui pouvait rester, qui faisait chier la bourgeoisie, parce que c'était la chose la plus primaire, la plus infantile, la plus puérile, mais la plus efficace pour choquer au premier abord, et que c'est un symbole bébête que le rock'n'roll utilise depuis 20 ans. Ouais, c'est un gimmick. Ça, par exemple, voilà. Là, Dieu sait si pourtant vraiment, tout ce qui a pu être le nazisme et tout me dégoûte et tout. Je vois pas pourquoi il y aurait la même pudeur imbécile et hypocrite d'ailleurs par rapport aux nazis que par rapport à la religion, au Christ. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi on peut pas toucher à ça alors? C'est un jeu. C'est comme les enfants qui jouent avec des guillotines parce que les jeux dans l'enfance ne sont pas innocents, mais on a une espèce de revendication. De la provocation. C'est pas un sourire, c'est une grimace. Un enfant, on m'a fait un enfant. Un enfant to hang around. Au fil de l'air, c'est mon way. Un enfant to hang around. Another day. No fun, pas drôle. Ils sont mal élevés, détraqués, méchants. Johnny le pourri, Sid vicieux and co. Voici les pistolets du sexe. Sexe, boutique de fringues de McLaren, manager du groupe. Pistolet, de l'expression française, c'est un drôle de pistolet. Never mind the bollocks. Peu importe les couilles. Here's the Sex Pistol! Juin 1977, Londres, jour du jubilé d'Elisabeth II. Le peuple est dans la rue, il fête sa reine qui traverse la ville dans son carrosse royal recouvert de feuilles d'or. Elle salue la foule. Pendant ce temps, sur la Tamise, le croiseur Queen Elizabeth accueille malgré lui un concert. Dieu sauve la reine, la régine fasciste vous a rendu stupide, une bombe à H potentielle. Dieu sauve la reine, ce n'est pas un être humain. Il n'y a pas d'avenir dans les rêves de l'Angleterre. Un député anglais déclare « Si la pop musique se met à vouloir détruire nos institutions, nous devons alors sans tarder l'éliminer. Les pistoles deviennent les ennemis numéro un. L'hymne national revisité prend la tête du hit-parade, bien qu'interdit d'antenne, de passage et de vente. » Being. There is no future. les Sex Pistols à la BBC par Billy Grundy le 1er décembre 1976. Bon, alors moi, je suis Billy Grundy. Je joue les Sex Pistols et la femme. Beethoven, Mozart, Bach et Brahms sont tous décédés. Ce sont tous nos héros, sans blague. Vraiment ? Comment ? Que dites-vous, sœur ? C'était tous des gens merveilleux. Réellement ? Oh, bien sûr, ils nous ont beaucoup influencés. Sex Pistols 2, ils sont très... Mais je suppose qu'ils ont influencé d'autres personnes. Qu'ils se démerdent. Comment ? Rien. Un gros mot. Question suivante. Non, non. Quel était le gros mot ? Merde. C'était vraiment celui-là ? Dieu du ciel, vous me pétrifiez de terreur. Vieil enfoiré, espèce de vieux dégueulasse. Eh bien, continuez, mon cher. Allez-y. Allez, il ne vous reste plus que 5 secondes. Dites quelque chose de grossier. Espèce de sale bâtard. Allez encore, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Sale enculé. Quel garçon cultivé. Quelle vieille enculée. Eh bien, c'est assez pour ce soir. L'autre rocker, Imone, je ne dirai rien à son sujet aujourd'hui, nous nous retrouverons dès demain. J'espère vous revoir bientôt, quant à vous. J'espère ne pas vous revoir de si tôt. Bonsoir. Scandale est une marchandise comme une autre. Dans toute forme artistique, le processus est le même. Je veux dire que ce soit la musique ou la peinture, que ce soit, c'est-à-dire après une période d'expression brute, il vient le temps des marchands. Je veux dire, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire les Stinky Toys, je sais pas trop ce qu'ils font, mais je crois que ça va pas trop bien. Nous on est dissous, Metal Urbain est dissous, tous ces groupes là. C'est fini, actuellement, Star Shooter rentre dans les hit-parades. Je veux dire, tous ces groupes-là, c'est la logique du truc. Mais nous, on s'est retrouvés à un moment où c'était vendre ou se trahir. Alors que moi, j'aurais bien aimé vendre sans me trahir. Je ne suis pas arrivé encore. Pour les pistoles, punk is money. Il faut voler de l'argent à tout le monde, mais toute l'astuce réside dans le fait de le faire publiquement en utilisant les médias. Aspect tactique et opportuniste qui leur fera gagner plusieurs dizaines de milliers de livres en quelques mois. Seulement voilà, les médias ont été les plus fortes. Les pistoles ne pouvaient que devenir stars ou laisser tomber. Ils étaient devenus leur propre parodie et n'étaient plus capables de la maîtriser. Le groupe se dissout en janvier 78. Ce mouvement punk a été bon. De toute façon, c'était prévisible, on le savait dès le début. A été trahi de la façon qu'il a été présenté par les médias, de la façon qu'il a été balancé. Mais ça, la faute n'en incombe pas aux médias, il en incombe à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas été assez fort pour projeter le mouvement de la façon que l'on voulait qu'il soit. Et que le problème, c'est que les gens des années 60 avaient des idoles très fortes qui étaient capables de projeter une image, c'est-à-dire Dylan, les Rolling Stones, les Beatles, c'est une page d'histoire maintenant, alors que les Pistols, Clash, Jam, Génération X ou je sais pas qui, ils faisaient pas le poids, c'est tout. Je veux dire, ils n'étaient pas assez forts pour répondre aux aspirations des gosses, et pour coller à une réalité de 77, 78 et à celle qu'on vit, c'est-à-dire la fin des années 70, c'est-à-dire bon, le reliquat des années 60 au niveau politique et une année de crise, c'est-à-dire une année qui se retourne, une époque qui se retourne vers le rétro, c'est-à-dire vers la nostalgie, parce que bon, on n'a rien d'autre à se mettre sur la dent, alors que les années 60 étaient tout sauf nostalgique et au contraire étaient pleines d'espoir. Bon, et puis en 78, on s'est tous retrouvés sans rien, c'est-à-dire qu'on avait gagné au niveau du show business, c'est-à-dire que bon, les groupes punk avaient remplacé les groupes des années 60, mais ça c'était qu'une histoire de show business, de musique, et la musique c'est le dernier de notre souci. Les punks voulaient plutôt sortir du cadre de la musique pour intégrer celui plus général de l'art, art de vivre. Punk est un comportement. Les exégètes cherchent une référence à punk et choisissent Dada. Mais Dada s'est toujours joué et a été joué de cet écart entre l'art et la vie qui serait toujours en reste, entre l'art et le reste. Punk se veut partout. Utopie d'un art total et donc du minable, du dérisoire, du rebut, du reste. Un reste du reste. Punk, comme un autre art, aurait compris qu'il n'y a rien à comprendre et jouer intelligemment la stupidité du rock. Il veut être là, sans message, sans communication, sans recherche musicale. L'être là, minimal du rock. L'art institution vient aussi chercher punk à sa rescousse. À New York et même à Paris, des galeries d'avant-garde deviennent le lieu de concerts punk. Des artistes de post-body et conceptual art jouent eux-mêmes de la musique punk comme performance, comme nouvelle forme d'art. À la limite, Beaubourg, ça peut être vaguement punk. À la limite, ouais, bien sûr. C'est vachement publicitaire, enfin je sais pas, ça fait grosse affiche de publicité, plein de couleurs qu'on s'envoie dans la gueule, etc. Ça saute aux yeux, c'est choquant. Bon, c'est peut-être facile, d'accord, parce que maintenant c'est accepté par tous les intellos de gauche, mais ouais, ça pourrait être punk. Il y aurait un art punk. Bon. Revues, affiches, vêtements, livres, pochettes de disques. Là, c'est des... ouais. Comme Dada, le cubisme, le constructivisme russe ou le pop art, punk utilise le collage et donc le découpage. Découpage de photos de journaux, photomatons, photocopies, polaroïd, reprographie offset. Les photos sont recontrastées, solarisées, filtrées, détramées. L'image est déstructurée. À la photo telle quelle, on préfère son décalque, sa photocopie. Reproduction de reproduction, mise en abîme continue. Punk utilise les journaux, l'écriture, mélange les caractères typographiques. Toute lettre est, à la lettre, lettre anonyme. Tout est fait salement, lacéré, déchiré, scotché, juxtaposé, biffé. Superposé, gris sale et noir de rigueur, avec rouge, rose, orange, vert, métallisé et fluorescent. Peut-être. Couleur des néons, couleur des signaux. Punk n'informe pas, il n'a pas de message, il signale. Madame Bichu, encore un verre, s'il vous plaît. Les références à ces procédures sont moins Dada ou le cubisme que les sérigraphies de Warhol, les trames de Liechtenstein et surtout les montages de Jasper Johns et Rauschenberg. Ah là là là. Ces références de l'art veulent sortir le punk du reste, d'où il ne peut pas sortir. Le punk reste le reste du reste. Actuellement, aucun mouvement artistique, que ce soit dans le dessin, que ce soit même dans la peinture ou dans la littérature, on se sent obligé de faire des références, même inconscientes, à cette explosion punk. Bon, et à changer un peu la face des choses, je veux dire, c'est-à-dire il est d'ouvrir l'Écho des Savanes ou Flûte Glaciale ou je ne sais pas quel journal en 78, même Nouvel Observateur, il n'est pas le même qu'en 73. Bon, donc les choses ont un peu changé et on a réussi la chose qu'avaient réussi les hippies de 67, c'est-à-dire réussir à faire évoluer les choses en profondeur, même si c'est un combat très long et très décevant. Child, we wanted all of so wild, though we died in slow motion. But play with devotion, baby, sang with devotion. Just a whole other note. I was 14 and a half, and it wasn't no lamb. Love comes in spurts. Oh no, it hurts. Love comes in spurts. Oh no, it hurts. Love comes in spurts. It always hurts. Love comes in spurts. Oh no. I just gave you wives to the tragic blue. In dangerous birds. dit en 79, le punk est mort. De quelle manière? Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en France. C'est un phénomène complètement importé. Les groupes français ont une attitude suiviste et fétichiste de la terminologie anglo-saxonne. Ils se servent de l'étiquette punk comme tremplin de promotion. En France, quand on dit punk, etc., qu'est-ce qu'on nous dit en France? Les vieux ringards, on dit téléphone, Plastic Bertrand et Star Shooter. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est à hurler, c'est à hurler. Ils se disent punk, mais enfin, ils font que se dire punk. Vous avez rien du tout, t'as l'air avec des copines. Danser comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. Je t'ai pas résisté, elles m'ont dit que tu vas craquer. Beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. On prend au sens presque étymologique du mot punk, on peut se dire qu'effectivement les Ramones ce sont des vrais punks parce qu'ils sont la tradition américaine des jeunes kids élevés dans la rue qui s'en foutent un peu, qui boivent des bières, qui font de la musique comme ça parce que c'est plus rigolo que d'être employé de banque, mais c'est tout, je veux dire, ça va pas plus loin que ça, je veux dire, ils n'ont pas de revendications idéologiques du futur, ils ont pas de, il n'y a pas de rite suicidaire, c'est pas vrai, les Ramones c'est des types qui prennent en contre leurs pieds en bouffant des McDonald's et en buvant de la bière, hein, et c'est bon, alors là c'est vrai, ce sont des punks, mais si on le prend au sens anglais du terme et au sens presque idéologique de mouvement punk, il n'y en a pas aux États-Unis, ça n'existe pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Liars beware, menteurs attention. Richard Enfer et ses Voidoids, descendants du néant. We'll be right back. contraste avec Richard L., le groupe Television, Tom Verlaine, pétrifié, glacé, cisaillé et inspiré. C'est déjà en 77 la première vague de la New Wave. Charelle a commencé bon, à délirer, etc. C'était à l'époque où les Sex Pistols, bon, ils en étaient encore à dire « Ouais, on va tous les tuer, ouais, il faut tout foutre en l'air. » Et lui, bon, ce qu'il pensait avant tout, c'est « Les Anglais sont des imbéciles, avec trois phrases, ils en font une chanson, ils croient tout, éclairer tout le monde. » Ils croient éclairer tout le monde. Lui, il essayait d'aller un peu au-delà, quoi, c'est ça. Il pensait qu'il fallait dire autre chose qu'on va tous les tuer, il faut tout foutre en l'air. Enfin bon, il s'est un peu... C'est devenu une obsession. Ouais, ça aussi. Un peu trop littéraire, un peu trop poète. On est les poètes du rock et tout. Bon, c'est un peu trop, mais c'est pas mal non plus. Écorché vif, Richard L. s'offre pour votre expiation. Quand il a sorti cette chanson, il y a beaucoup de gens qui ont dit on n'est plus punk, on est blanc. C'est un peu stupide. À blanc, ça veut dire vide, complètement. Il n'y a plus rien. On n'existe plus, complètement vide. Ouais. On est la génération qui ne sert à rien. On est la génération qui n'a rien donné, qui n'a rien apporté, à part notre propre envie d'autodestruction, justement parce qu'on n'est rien, parce que. On n'a rien fait, on n'a rien voulu. Nos parents, eux, après la guerre, ils ont construit une société. Nous, on n'aime pas cette société, mais on n'en construit pas d'autres parce qu'on n'en est pas capable, on n'en a pas les moyens. Donc on est des zéros, en fin de compte. Ouais. C'est quand même lui qui a apporté cette idée-là, cette notion. Chaque sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Le cœur plus la tête plus l'âme, plus le cul, égale rock'n'roll. Punaise, ambigu, androgyne, poétesse venue au rock, Patti Smith. Sorcière échevelée, touilleuse de mots plus noirs que la nuit. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions. White, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses. Alors elle est complètement à côté de ses pompes, elle est trop mystique. À l'époque où c'était hard rock ou l'espèce de cool baba, il y a 3-4 ans, elle nous a donné un concert à Paris. Les gens, ils avaient jamais vu ça et ça bougeait, etc. Et c'était pas les prières mystiques. I haven't fucked much with the past, but I fucked plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dashed and flashed. The nights were violet and black and white. I had an ornamental veil, I couldn't bear to use it. With it my hair was cropped, I can't pay covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peacefully and my knees are open to the sun. I desire him, he is absolutely ready to seize me. In heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the flaw, the belly, the belly, the mole on the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the rod. I have not sold myself to God. En Amérique, ce qui est drôle, c'est le cas des Ramones de Patti Smith ou Richard Rell, qui en 75 ou en 76 étaient à l'avant-garde du mouvement et faisaient une musique qui a influencé les groupes punk anglais, c'est-à-dire bon, des gosses qui n'avaient pas d'autre culture que les disques des Ramones et des New York Dolls. Et en 77, ont été considérés bon, comme des gens complètement démodés, complètement en dehors du mouvement et trop vieux pour être considérés comme vraiment actifs dans le mouvement. Donc ils ont attendu que tout ça s'installe et ils réapparaissent en 79 en copiant par leur image et par leur musique, ce que faisaient les groupes en 77, alors que ces groupes de 77 qui copient en 79 leur devaient tout. C'est-à-dire que c'est plus que des parodies d'eux-mêmes, et c'est dommage pour eux, quoi. Thank you. ça commence à bien faire. Punk, c'était comment déjà ? Catherine Lagarde, Mehdi Eladj. Vendredi, suite et fin, avec After quoi ? After Punk. Autre chose. Folks say that you found someone new to do the things I used to do for you. Just call my name. I'm not ashamed. I'll come running back to you. Can't sleep at night. I can't eat a bite. When you were mine, I didn't treat you right. Just call my name. I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my own. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours and yours alone. Whoa, whoa. I try to forget, have no regrets. This love of ours could always start anew. Just call my name, oh, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours, and yours alone. Whoa. This love of ours could always start anew. Just call my name, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. C'était un petit hommage au précurseur, Sam Cooke, enregistré en 1956. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 avril 1979. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Here I am awake in a wilderness of lies, trying to assemble a suitable disguise, bleary-eyed and seeking signs I recognize, someone I can count on to be there as my guide. All my heroes were failures in their eyes, losers, drunkards, fallen saints and suicides. Feel a fever break underneath my skin. The earth begins to shake, trees bending in the wind. The world's always changing, it's changing in my sleep. For the first time I'm praying for my soul to keep. All my heroes were rebels on the run, plagiarizers, vagabonds, and vagrants, everyone. But they lit fires in the shadows. All my heroes cut pathways through the narrows. All my heroes. That I still owe. How am I to shift and rise above the tide? How am I to live without them by my side? All my heroes are smaller than they seem. Malcontents, dreamers, ghosts in the machine.